peut se coucher dans le frais. D'au-delà des fumées, le soleil en est témoin. Quant au petit chemin qui sentait bon, la noisette, les noisettes s'achètent. Et les petits chemins couverts de macadam ont fini par rendre l'âme. Les demoiselles se balancent pas mal, des balançoires. Et d'ailleurs, on n'en met plus aucune dans aucun soir. Au numéro 27 de la rue des Acacias, un trou. Il y pousse un gratte-ciel dont bientôt on ne verra plus le bout. Celui qui attendait son carrosse prend le métro. Un aller, un retour de son boulot au dodo. Et puis son vieux carrosse, il amuse les gosses dimanche matin au musée Grévin. Flotte plus dans son estafette blindée. Le jardinier qui boite et qui boit vend aux Amériques des coquelicots en plastique. Quand un vicomte rencontre un autre ami vicomte, c'est pour régler leur compte. Les petits airs aux paroles pas méchantes sont en anglais. Bien souvent, leurs musiques sont savantes, mais bien moins gaies. Au numéro 27 de la rue des Acacias, il n'y a plus de trou. Le gratte-ciel a poussé et il en dépasse déjà un petit bout. Je ne vous parlerai même pas du vieux château. Il paraît que les nouveaux fantômes sont des faux. Heureusement, le dicton a toujours la raison. En France, tout finit par